Depuis l'envie des larves, des failles à mourir. Car il n'a rien trouvé qui puisse le nourrir. Soudain, sur le pavé, un bruit sourd retentit. Serait-ce le cheval gentil? Oh, c'est un peu comme la poule nain, déposant ses mille ordures selon les lois de la nature. Sur cette table d'or avant de m'en servir, il se précipite ravi. Picorant vers partout, s'engrave tout son sou. Puis par principe et religion, sur le fait d'une maison, pour remercier les dieux de ses bénédictions, il s'en va pousser sa chanson. Mais un retour délu, l'ayant à l'espace de l'eau, flèche rapide tombe dessus, la grippe la mal tout cru. Ce qui trouve une fois de plus, mais ce déjà nous le savions, et c'est toujours même chanson. Si les bons cœurs ne se perdent, il ne faut pas manger de la merde. Et la nuit chanter sur les toits serait un endroit.